الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ونحمد الله على التوفيق للتمام ونسأل الله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام سيرفيتور الله ساشي que la sadaqatul fitr ou zakatul fitr Allah subhanahu wa ta'ala en a fait quelque chose par lequel on conclut et on termine le jeûne du Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le succès de compléter ce mois d'une manière bénie. Et on le glorifie. On le glorifie et on mentionne sa louange du fait qu'il nous a permis de jeûner ce mois béni et de pouvoir prier dans ses nuits. Et on lui demande qu'il accepte nos œuvres et qu'il fasse de nous des gens qui ont été libérés du feu de l'enfer et sauvés du feu de l'enfer en conclusion de ce mois de jeûne du Ramadan. عباد الله لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ويستحب إخراجها عن الحمل ومحل إخراجها أو محل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه. وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير البلد الذي هو صام فيه وهو فيه، فيخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré en conclusion de ce grand mois des différentes formes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui augmentent notre proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi les choses qu'il a légiféré pour nous en conclusion de ce mois, il y a la sadaqa qu'on appelle sadaqatul fitr ou zakatul fitr. Et en même temps aussi, j'en profite pour clarifier un point. Parfois certains musulmans sont confus à ce sujet. Ils mélangent entre zakatul mal et zakatul fitr. Hein? On sait que zakatul mal, c'est un des cinq piliers parmi les piliers de l'islam. Et c'est de donner 2,5% de l'argent qu'on a en surplus et qu'on a économisé pendant une année sans y toucher et qui a dépassé un montant minimum qu'on appelle le nisab. Une fois que ce montant a atteint le montant minimum qu'on appelle le nisab et qu'on l'a gardé pendant un an sans toucher à cet argent, on doit faire sortir de ce montant, de cet argent qu'on n'a pas touché pendant une année, 2,5%, et c'est ça qui représente la somme de qu'est-ce qu'on appelle zakatul mal. Et ça, c'est un des cinq piliers de l'islam, et c'est obligatoire pour les riches de cette umma et de le donner aux pauvres. Tandis que sadaqatul fitr, ou zakatul fitr, c'est une sadaqa qu'on donne à la fin du jeûne du Ramadan aux pauvres, et on le donne non pas en argent mais en nourriture, et c'est pour faire en sorte que les pauvres aient quelque chose à manger le jour de Eid, parce que c'est un jour de fête. Et donc il y a des gens qui sont pauvres et qui ne trouvent rien à manger par exemple ce jour-là, alors que les musulmans qui ont de l'argent, eux, peuvent manger et se réjouir. Et donc on donne, ceux qui ont, yani les riches donnent, cette sadaqa, cette zakat, zakatul fitr, aux pauvres pour qu'ils puissent manger quelque chose ce jour-là. Donc c'est pas du tout la même chose que qu'est-ce qu'on appelle zakatul mal. C'est complètement différent. Et l'obligation de sadaqatul fitr, c'est en fait une sorte de purification aussi pour ceux qui ont jeûné. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette adoration et cette sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et les distractions qui ont été faites de la part de ceux d'entre nous qui ont eu des fautes ou des manquements ou des péchés durant le Ramadan. Donc c'est une expiation et une purification pour leurs péchés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakatul fitr obligatoire pour les enfants et les grands, les petits et les grands, les hommes et les femmes, les hommes libres et les esclaves. C'est-à-dire que la personne qui est responsable dans une famille, le chef de la famille, c'est-à-dire l'homme, le père, eh bien, il doit faire sortir la zakat pour chacun des membres de sa famille, ceux qui sont sous sa charge et sa responsabilité. Et donc, s'il a une femme et des enfants, ou des esclaves ou autres, eh bien, il donne pour chacun de ceux qui sont sous sa responsabilité une quantité de nourriture, et c'est un volume qu'on appelle as-sa', as-sa', qui équivaut à 4 mouds. Et une moud, c'est à peu près le contenu des deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble. Ça équivaut à une moud. Eh bien, c'est 4 fois cette quantité-là approximativement. Et yani, donc, l'obligation pour le musulman, c'est de donner cette quantité de nourriture-là pour les pauvres et de la faire sortir, comme on a dit, pour chaque membre de la famille de cette personne. Et il l'a fait sortir, cette sadaqatul fitr, dans le pays dans lequel il est et dans lequel il a jeûné. Même si ceux qui sont sous sa responsabilité et sa charge habitent ailleurs dans un autre pays, il fait quand même sortir la zakatul fitr dans le pays dans lequel il vit. Et ça, c'est par exemple donc à la conclusion du dernier mois. Donc ça veut dire, comme on va le mentionner également, c'est que c'est dans on peut donner la zakatul fitr 2 jours avant le Eid. Sinon, le mieux, comme on va l'expliquer, c'est de le donner avant Salatul Eid, de le donner aux pauvres avant Salatul Eid. Et vous savez que dans certaines mosquées, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un montant. Au début du mois, ils disent, par exemple, la zakat fitr pour cette année, c'est 8$ ou 7$ ou 8. Et ils disent ça, donc les gens donnent ce montant, cette somme d'argent pour chaque membre de leur famille. Et ça c'est quelque chose qui est contraire à la sunna, puisque la sunna, c'est de donner zakatul fitr en nourriture et non pas en argent. Aynan. Wa waqtu ikhrajha yabda'u bi ghurub ash-shams laylat al-eid ويستمر إلى صلاة العيد ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل وإن أخرها أو أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أخرجها في بقية اليوم فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ووقت إجزاء وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد. Et donc, comme on a expliqué, le temps pour faire sortir zakat al-fitr, c'est à partir du coucher du soleil la nuit de Eid. Lorsque le soleil se couche, à partir de ce moment-là, tu peux faire sortir ta zakat al-fitr pour la donner aux pauvres, et tu as jusqu'à la prière de Eid pour la donner, ta zakat al-fitr. Mais il est permis de la donner en avance, un jour ou deux en avance. Mais si tu retardes et que tu la donnes avant la prière de Eid, ça c'est mieux. Toutefois, si tu fais passer la salat al-Eid, tu dépasses la prière d'Eid et tu donnes ta zakat al-fitr après, sans excuse, eh bien, là tu as manqué, ta zakat al-fitr. Sauf si tu avais une excuse, bien entendu. Mais si tu n'as pas d'excuse, tu as manqué ta zakat al-fitr, tu dois quand même la donner. Et si tu la donnes après salat al-Eid, bien entendu, tu n'auras pas la même récompense. Et ce ne sera pas calculé comme zakat al-fitr, mais ce sera calculé comme une sadaqa ordinaire. Mais c'est quand même obligatoire pour toi de la payer ou de la donner. Et donc, il y a le temps qui est permis de donner zakat al-fitr, c'est un jour ou deux avant salat al-Eid. Sinon, le meilleur moment de le donner, c'est à partir du coucher de soleil jusqu'à la prière de Eid. Et puis après, si tu le donnes par la suite, eh bien, tu as manqué, qu'est-ce qui est l'obligatoire et qu'est-ce qui est le mieux. Et tu as commis un péché, bien entendu, mais tu dois quand même donner cette sadaqa, sadaqa al-fitr. والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ويكفي أن يوضعها عند شخص يعني ولا يكفي أن يوضعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق. ومقدار صدقة الفطر صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غير ذلك مما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة يعني وغير ذلك مما يقتات في البلد. ومقدار الصاع بالكيلو هو 3 كيلوات تقريبا. Donc les personnes qui méritent zakat al-fitr, qui sont-ils? Yani, ce sont ceux qui méritent la zakat, zakat al-mal, les 8 catégories qui sont mentionnées dans surat al-Tawbah, les pauvres, les indigents, c'est-à-dire ceux qui sont pas nécessairement sans rien du tout, c'est-à-dire les pauvres, al-fuqara, c'est ceux qui ont rien. Wal-masakin, les ulama ont dit, c'est ceux qui ont un peu, mais ça ne leur suffit pas. Et il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle des pauvres, certains disent, ici par exemple, dans des pays comme le Canada ou les États-Unis ou l'Europe, il n'y a pas de pauvres. Et ça c'est faux. Il y a des pauvres. Et il faut comprendre qu'en fait, la notion de pauvreté c'est quelque chose qui est relatif. Au contexte et à la société. Un pauvre ici, ce n'est pas la même chose qu'un pauvre ailleurs, mais il y a quand même des pauvres. De façon relative. Et donc, ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent, qui sont endettés, ou qui ont des grandes familles, ou qui ont, par exemple, qui étudient, qui sont ici tout seuls, qui n'ont pas de revenus, ou qui ont. Il y a des réfugiés, il y a toutes sortes de gens qui peuvent avoir besoin d'aide, ou qui peuvent avoir besoin de nourriture. Ceux-là rentrent dans la catégorie de ceux qui sont pauvres. Hein? Et donc, même ceux qui sont assistés sociaux puis qui ont de la difficulté à passer à travers le mois, eh bien, ceux-là méritent aussi qu'on leur donne zakat al-fitr. Si vous ne connaissez pas les personnes pauvres directement ou personnellement, il y a certaines mosquées qui acceptent qu'on leur donne la zakat al-fitr et eux la distribuent pour vous à ceux qui sont pauvres parce qu'ils connaissent dans la communauté ceux qui en ont besoin. Donc ils vont aller chez ces gens-là avant la prière de Eid pour leur distribuer la nourriture. Et ça c'est une des choses qui montre l'importance aussi de donner zakat al-fitr en nourriture et non pas en argent, parce que dans les mosquées parfois qui récoltent la zakat al-fitr en argent, eh bien on n'a aucune garantie parfois que cet argent va être utilisé pour acheter de la nourriture et que cette nourriture va être distribuée avant la salat al-Eid. Hein? Donc c'est arrivé déjà que certaines mosquées ont récolté de l'argent et puis ils l'ont utilisé pour d'autres choses. Hein? Ils l'ont utilisé pour les rénovations ou bien pour l'électricité ou bien pour d'autres choses. Et ça c'est pas correct. Ou bien qu'ils vont utiliser, ils vont distribuer zakat al-fitr mais pas à temps. Ils vont la distribuer après la salat d'Eid. Donc tous ceux qui ont donné leur argent pour zakat al-fitr avant et qui avaient confiance, eh bien ils ont donné, mais ça ne va pas compter pour eux puisque la zakat al-fitr n'a pas été distribuée à temps. Donc ça c'est un problème et donc il faut faire attention à ça. Si on veut être certain que notre zakat al-fitr va être distribué à temps et donné à ceux qui méritent de la recevoir, la meilleure chose c'est de la donner soi-même. Avancez-vous un peu pour laisser de l'espace pour les frères. Et donc qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on peut donner comme zakat al-fitr? Eh bien on peut donner tout ce qui est comme par exemple céréales, blé, orge, dattes, raisins secs, et tout ce qui se conserve et tout ce qui peut se donner comme nourriture. Ça c'est des éléments qui étaient des formes de nourriture que les gens mangeaient quotidiennement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, les ulama ont mentionné que tout ce qui peut avoir le rôle de nourriture dans n'importe quel pays ou n'importe quelle société, à n'importe quelle époque, eh bien, ça peut être utilisé aussi dans Zakatul Fitr. On peut le donner, comme par exemple du riz ou toute autre nourriture que les gens mangent dans un pays quelconque. Dans certains pays, par exemple, les gens, leur nourriture de base, c'est par exemple le pain, le blé. Ou bien d'autres, c'est le couscous, par exemple, hein, la fécule de blé. Dans d'autres pays, c'est le riz. Donc, on donne selon qu'est-ce que les gens mangent dans ce pays-là. Et qu'est-ce qui correspond à la quantité d'une soie en kilos? Approximativement, c'est 3 kilos. Hein, qu'est-ce qui a été mentionné? Mais bien entendu, un kilo de riz puis un kilo de dattes, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, selon le volume, ça peut changer aussi le nombre de kilos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اعلموا أنه لا يجزئ دفع القيمة قيمة زكاة الفطر بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت تجزئ لبينه لأمته ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر قال الإمام أحمد بن حنبل لا يعطى القيمة قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقد قال عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر صاعا انتهى كلامه. Donc, une chose très importante à comprendre pour les serviteurs d'Allah, c'est qu'il n'est pas acceptable dans la zakat al-fitr de donner sa valeur en argent. Ce n'est pas acceptable de donner zakat al-fitr ou sadaqat al-fitr, de donner sa valeur en argent. Et si quelqu'un donne sa valeur en argent, ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas valable. Parce que c'est en contradiction avec ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet. De même qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de l'argent, il y avait de l'or, des pièces d'or, il y avait des pièces d'argent et les gens utilisaient ad-dinar ou ad-dirham pour faire des transactions, pour vendre et pour acheter. Pourquoi yani n'ont-ils pas donné donc la valeur de zakat al-fitr? Et pourquoi donnaient-ils uniquement yani en nourriture la zakat al-fitr? Parce que c'était ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jumhur des ulama, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal ont tous dit qu'il faut donner la zakat al-fitr en nourriture et non en argent. Et le seul qui a contredit dans cette question, c'est l'imam Abu Hanifa qui a dit on peut donner la valeur en argent. Sauf que l'imam Abu Hanifa et ceux parmi les ulama qui ont fait une ijtihad dans cette question et qui ont dit qu'on peut donner sa valeur en argent, ils ont fait une ijtihad. Et on sait que l'ijtihad peut être correct et peut être incorrect. Le savant, lorsqu'il fait une ijtihad et qu'il utilise son jugement, et il fait une analogie pour essayer d'arriver à un verdict, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Tandis que on sait que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut jamais être incorrect. Et on voit que dans sa sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait sortir la zakat al-fitr en nourriture. De même que les sahaba. On n'a jamais rapporté d'aucun d'entre les sahaba qu'il a fait sortir zakat al-fitr en argent. Jamais. Et aucun d'entre eux. Ils ont toujours fait sortir zakat al-fitr en nourriture. Et donc, il faut s'accrocher à ça et suivre cet exemple-là. Hein? Et donner la zakat en nourriture. On a dit à l'imam Ahmad, hein, parce que l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est un des grands imams parmi les quatre imams d'Ahl Sunnah, il a dit, on ne donne pas la valeur de zakatul fitr. On ne donne pas sa valeur, on donne en nourriture. Et quelqu'un lui a dit, oui, mais il y a des gens qui disent que Omar ibn Abdul Aziz prenait la valeur de zakatul fitr. Il acceptait qu'on donne la valeur de zakatul fitr. Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Ahmad? Il a répondu, il laisse la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il prend la parole de quelqu'un d'autre, ça c'est grave. Est-ce qu'on a le droit de prendre la parole de quelqu'un, quiconque, peu importe la grandeur de sa science et peu importe le respect qu'on a pour lui, est-ce qu'on a le droit de prendre la parole d'un imam ou d'un cheikh ou d'un mufti ou d'un alim ou d'un de quelqu'un qui a de la science, de prendre sa parole et de la mettre au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ça c'est quelque chose qui est interdit. On n'a pas le droit de prendre la parole de quiconque pour la mettre au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc peu importe qui, de qui il s'agit, hein, il peut se tromper, il peut avoir raison. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours raison lorsqu'il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Et donc il a dit que l'imam Ahmed a dit ensuite que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire et a ordonné qu'on donne la zakat al-fitr une sorte de nourriture. Et il a mentionné les différentes sortes de nourriture en question. Et également, وَمِمَّا شَرَعَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِي خِتَامِ هَذَا الشَّهْرِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَهِيَ مِنْ تَمَامِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَالَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ الْمُرَادُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. من تزكى يعني زكاة الفطر والصلاة ويعني وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. هذا من تفسير هذه الآية من قبل السلف. Donc parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré également, c'est bien entendu à la fin du Ramadan la salat de Eid. Hein? Et ça fait partie du fait de compléter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes a réussi celui qui se purifie et qui se rappelle du nom de son Seigneur et qui fait la salat, c'est-à-dire qui établit la salat. Certains d'entre les salaf ont dit, celui qui se purifie, c'est-à-dire qui donne zakat al-fitr, parce que le mot zakat signifie la purification. Et وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, et qui s'est souvenu du rappel de son Seigneur et qui a fait la salat, ils ont dit c'est salat al-Eid. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين, وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. سووا اعتدلوا, سووا صفوفكم, سدوا الفرج, لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة, حادوا بين المناكب والأقدام, تراسوا. Peut-être on peut mettre le minbar ici. Puis...